Dis-moi, Jenny, qu'est-ce qui t'a rendu le plus toc toc? Le vieux mélange, alcool, médoc, les bars, le rock et les nibars toc. Ta vie de noc, t'ambules, t'éambules et dans les bruits de tes rêves caduques. Ou les cocktails, ou bien c'est elle. Mais oui, Jenny, c'est toi le plus fort. C'est pas ton sang, c'est celui de la forêt de Melon. Mais non, Jenny, tu n'es pas mort. L'ambulance est la faute de corps. Dis-moi, Jenny, qu'est-ce qui t'a rendu un peu suicidaire? L'amour du risque, la peur du vide, de savoir frêle, si ton air solide, peut-être ces vidéos morbides, ta vie comme un long trip d'acide. Serait-ce ces pulsions parricides? Eh ouais, Jenny, tu n'es pas dingue. C'est la carcasse de ta Mustang, mais non, Jenny, t'as pas clamsé. Ta tête, il suffit d'un visé. Mais oui, Jenny, c'est toi le plus fort. C'est pas ton sang, c'est celui de la forme. Mais non, Jenny, tu n'es pas mort. L'ambulance est la boule de corps. Mais oui, Jenny, c'est toi le plus fort. La la la la la la la.